Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce mercredi dont voici les grands titres. Les habitants de la zone Moussagamari de Bujumbura qui sont sous menace d'un ravin apprécient les travaux de sa réhabilitation et le président de la plateforme nationale de la prévention des risques et de gestion des catastrophes rassure que de telles activités vont continuer dans d'autres lieux pareils. Et le transport en commun est devenu problématique dans les provinces Kirundo et Changuzo, où les agences de voyage qui y opèrent ont dû réduire le nombre de trajets par jour suite à la persistance de la pénurie du carburant. Et une maladie non encore identifiée ravage les vaches de la province Ngozi, où une trentaine de ces bêtes sont mortes durant les deux dernières semaines. Vous l'entendrez dans ce journal. Et la chronique sur les messages d'ON de ce mercredi parle des stratégies de communiquer à l'enfant un événement douloureux du passé. Voilà pour l'essentiel. Au micro, vous êtes avec Vestine Boutoyi à la cabine technique et c'est Nelly Kuyangana. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal et par la page éducation, rassembler le potentiel des universités pour soutenir le développement durable au Burundi. Tel était l'objectif d'une table ronde de ce mardi organisée par l'Université du Burundi à l'endroit des partenaires et universités privées. Comme l'indique Dr Saïdi Kibéa, chef du service de coopération, ils ont profité de la clôture d'un programme particulier entre l'Université du Burundi et les universités flamandes de Belgique. On l'écoute. Nous avons profité de la fin d'un programme unique entre l'Université du Burundi et les universités flamandes de Belgique pour lancer, je dirais, une session de dialogue avec les partenaires pour l'Université du Burundi associés aux autres universités qui travaillent aussi au Burundi. Alors, cette session était une session large de dialogue avec les partenaires bilatéraux, avec le secteur privé, avec les établissements publics de l'État pour l'objectif amener le potentiel des universités en termes de savoir, la formation, en termes de transfert de connaissances et de technologies pour soutenir le développement économique du Burundi, pour pouvoir réfléchir sur quelle approche et quelles interfaces de collaboration entre les universités et l'Université du Burundi pour le bien-être de nos citoyens. Certes, nous avons eu un projet, les Flamands. L'Université du Burundi a une multitude d'autres projets de plus grande envergure, notamment le projet de la Banque mondiale pour créer au Burundi un institut de technologie de l'information et de la communication de référence africaine au moins. Donc, un institut d'envergure qui sera créé à l'Université du Burundi qui s'appelle l'Institut des technologies numériques. Nous avons encore, en partenariat avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Université du Burundi, loge, organise l'Institut d'excellence pour l'Afrique de l'Est sur la nutrition pour appuyer le peuple en termes de sécurité alimentaire. Nous avons une coopération avec la Suisse pour l'éducation en santé mentale. Nous avons des relations avec une ONG allemande pour appuyer les jeunes à l'entrepreneuriat, à l'éducation financière. Et en page sécurité, une personne est morte la nuit du 10 au 11 mai de cette année. 51 autres sont alités dans différents établissements sanitaires après avoir toutes consommé de la pâte du manioc dont la farine avait été mélangée avec du poison sur la colline Mahande de la commune Mugui en province de Chibitoke. Melkia Denzo Kizwanayo, administrateur communal, indiquait que même les propriétaires de la boutique dans laquelle on a vendu cette farine se trouve aussi parmi les victimes de cet incident. D'après une source policière à Chibitoke, des enquêtes relatives sont en cours. Et une enfant de 9 ans, originaire de la colline Gihororo, en commune Gatara de la province Kayanza, a été tué le soir de ce mardi, étranglé à l'aide d'une corde. Information confirmée par Emmanuel Akizimana, chef collinaire à Gihororo, et 3 personnes, dont le père de la victime et son oncle maternel, et la personne qui a vu le corps sans vie de cet enfant en premier lieu, ont été arrêtés pour question d'enquête, selon les mêmes sources. À présent, parlons de la page transport des personnes qui voyagent de Kirundo à Bujumbura ou vice-versa éprouvent beaucoup de difficultés. À côté de l'agence Memento qui a fermé ses portes il y a à peine 2 mois, l'agence Volcano qui fait fonctionner un seul véhicule pour toute une journée peut passer quelques jours sans faire le trajet, ce qui pousse certains voyageurs à suspendre leur voyage ou se contraindre de payer entre 35 000 Burundais à 40 000 frambo pour des petites voitures. Les détails avec Abraham Safari. Voyager de Kirundo à Bujumbura ou vice-versa devient très difficile ces derniers jours, comme le signale la population de Kirundo. Avant qu'il y ait la pénurie de carburant, trois agences de voyage opéraient le trajet Kirundo-Bujumbura. Il s'agit de Memento qui vient de fermer ses portes il y a à peine 2 mois, Volcano et Gotracom. Toutes ces compagnies pouvaient libérer chacune 4 à 5 bus par jour. Actuellement, la compagnie Volcano libère un véhicule par jour ou peut également passer quelques jours sans fonctionner, tout cela suite à la pénurie du carburant de type diesel. À peine la compagnie de voyage Gotracom libère un seul véhicule par jour régulièrement, mais ne peut pas satisfaire tous les clients. Certaines personnes préfèrent suspendre leur voyage, d'autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir des tickets sur les agences sont contraints de payer une somme allant de 35 à 40 000 francs de Kirundo à Bujumbura pour des petites voitures. Il demande au gouvernement burundais de chercher la solution à ce problème de carburant qui a engendré la vie chère. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Quittons la province de Kirundo pour nous rendre en province de Changzhou où les voyageurs de cette localité disent être satisfaits après que les agences de transport qui utilisent cette voie, la voie Changzhou-Bujumbura, ont accepté de revoir à la baisse le prix du ticket de transport pour se conformer au prix fixé par l'État. Cependant, le représentant du bureau de tramway s'est dit que même si on a accepté ces mesures, on travaille à perte suite à la rareté du carburant et de cherté des pièces de rechange. Cette agence et même Gotracom ont préféré diminuer les voyages au lieu de les suspendre, ce qui perturbe les voyageurs. Les détails de Raymond Moudende. Cette satisfaction des voyageurs de Kita Changuzo vers Bujumbura et vice-versa, et le fait que les agences Tramways et Gotracom à Changuzo ont accepté en fait de se soumettre aux injonctions de l'État fixant le prix du ticket de voyage de Changuzo à Bujumbura et vice-versa à 16 000 francs au lieu de 20 500 francs fixés par ces agences après la récente hausse du carburant. Aloïd Nzaïmana, représentant le bureau de Tramex à Changuzo, note cependant qu'on n'a pas voulu s'opposer à l'État, mais qu'en réalité, dit-il, on travaille à perte. Il justifie cette perte à la hausse du carburant devenue même rare et surtout à la cherté des pièces de rechange de leurs véhicules. Ne voulant pas suspendre le trajet Changuzo-Bujumbura, cette agence et même l'agence Gotracom ont dû diminuer les tickets de voyage, devenus d'ailleurs maintenant irréguliers. À l'agence Tramex, les tickets sont livrés irrégulièrement car les véhicules ne se conforment pas aux heures fixées et les voyages ont été diminués. On note par exemple que 3 bus quittent Changuzo, un à 7h du matin, l'autre à 9h et le troisième à 15h30, alors qu'avant, on pouvait quitter Changuzo l'heure après l'heure à partir de 6h du matin jusqu'à 15h30 du soir. Et à l'agence Gotracom à Changuzo, on note aussi que pour les mêmes raisons, et à l'agence Gotracom à Changuzo, on note aussi que pour les mêmes raisons, et où 2 bus quittent Changuzo vers Bujumbura, alors qu'auparavant, 5 bus étaient disponibles pour les voyageurs. Et à noter que cette perturbation du transport de Changuzo vers Bujumbura ne favorise pas les voyageurs dont les programmes ne sont pas respectés. Depuis Changuzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h passé de 4 minutes au studio de la radio Isanganiro. Nous continuons ce journal et par la page élevage. Une trentaine de vaches ont été décimées durant les 2 dernières semaines par une maladie qui reste jusqu'à maintenant inconnue en province Ngozi. Comme symptômes, ces bêtes atteintes affichent une fièvre élevée et laissent couler du sang dans les narines. En conséquence, l'administration et la direction provinciale en charge de l'élevage ont décidé de fermer momentanément le marché régional de bétail de Vieigua dans cette même province pour les vaches. En attendant les résultats de prélèvements faits par des experts en provenance de Bujumbura, les détails avec Apollinaire Mouzagara. Comme l'annonce le responsable provincial de la santé animale, cette maladie commence par une fièvre oscillant entre 40 et 41 degrés Celsius et manque par conséquent d'appétit. Il s'ensuit l'écoulement du sang dans les narines et la vache finit par mourir d'après son responsable. Sur 37 bêtes déjà atteintes, 32 ont déjà trouvé la mort, 2 sont guéries et les autres sont en cours de traitement, comme l'indique Priva Varikugiaï. Même si cette maladie reste jusqu'ici inconnue, les responsables vétérinaires procèdent actuellement par le traitement symptomatique. Son vétérinaire provincial parle de prélèvements déjà faits par les experts laboratoires de la Direction générale de la santé animale il y a des jours et qu'on attend les résultats de ces examens dans l'optique d'éviter la propagation de cette maladie, des mesures ont été prises par l'administration provinciale et le bureau provincial en charge de l'élevage. Il s'agit entre autres de l'interdiction de la vente des vaches au marché régional de Vieille-Égoua dans cette province jusqu'à nouvel ordre. L'abattage des vaches également dans cette province reste prohibé. La direction du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage conseille la non-consommation de la viande bovine et d'une bête présentant des symptômes de cette maladie. Émile Koubgui-Mahana demande plutôt aux éleveurs de contacter le plus rapidement possible les agents de la santé animale chaque fois qu'on constate ces symptômes. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara qui tourne en province Ngozi pour nous rendre en province Kayanza où les commerçants exerçant leurs activités commerciales en face du dépotoir situé au marché de cette de la province Kayanza indique que si rien n'est fait pour déplacer les immondices et entassés, ils craignent attraper des maladies liées au manque d'hygiène. L'administration communale Kayanza indique que le problème est le manque de carburant de type mazout pour dépêcher le camion qui sera évacué ces immondices. Gilbert Nyandui, l'administrateur communal, tranquillise pourtant que cette question trouvera solution d'ici peu de jours. Patrick Saint-Guillaume. Lors de notre passage au marché de Kayanza, nous y avons vu un tas d'immondices à côté des stands où l'on vend des fruits, des légumes et différents produits vivriers comme les patates du sel au manioc. Contacté les vendeuses de ces marchandises, elles ont dit qu'elles travaillent à perte du fait que les clients de ces produits préfèrent aller acheter ailleurs. Les mêmes vendeuses craignent les maladies des mains sales et demandent à cet effet l'administration communale de Kayanza le déplacement de ces immondices et le vidange de ce dépotoir. Le service en charge de la promotion de la santé, hygiène et assainissement en commune Kayanza dit être au courant de cette situation et en avoir parlé à l'administration pour trouver solution à ce problème. Bernard Nyabenda, technicien pour la promotion de la santé en commune Kayanza, indique pourtant que le problème est que certains ménages environnants au marché de Kayanza n'ont pas de compostière et préfèrent jeter des immondices dans le dépotoir du marché de Kayanza. Il met en garde les habitants de ces ménages qu'ils seront frappés d'amende les jours à venir. Contactez l'administration communale Kayanza au sujet de ce dépotoir du marché de Kayanza, qui lui est rendu administrateur, indique que dès que le carburant de type mazout sera disponible, cette question sera résolue immédiatement. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. En page environnement, les travaux de stabilisation du ravin qui menaçait les maisons du quartier Gasekebouye de la zone Moussagamari de Bujumbura sont en cours d'exécution par l'Office burundais de l'habitat. Les habitants de cette localité saluent l'initiative et souhaitent que ces travaux soient clôturés avant la prochaine saison pluvieuse. Et la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes est satisfaite du démarrage de ces travaux de réhabilitation de certains ravins en commune Moura. Le président de cet organe parle ici des coins menacés comme celui du quartier Gasekebouye de la 12e avenue en zone Kanyosha, où le bois est appuyé par le gouvernement et l'Union européenne. Le général de brigade des deux polices, Anissé Nibaruta, est confiant que le bois va continuer à réhabiliter les autres endroits comme promis, invite l'administration à travailler de concert avec la population pour aviser à temps afin qu'il y ait des interventions rapides dans les côtes. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de la réhabilitation de certains points critiques. Je donne par exemple la réhabilitation sur la rivière Kanyosha au niveau de la 12e avenue. Ce sont des travaux qui sont en train d'être faits par Obuha avec le financement du ministère des Finances. Dans le quartier Gasekebouye, il y a un grand ravin qui est en train d'être réhabilité aussi par Obuha avec le financement de l'Union européenne via l'OIM. La plateforme nationale de gestion des catastrophes a un projet de résilience communautaire que nous mettons en œuvre ensemble avec OIM. C'est ce projet qui va fournir 400 millions de francs-bou pour la réhabilitation de ce ravin et les travaux sont en cours. Obuha nous tranquillise quand il nous dit que dans les mois à venir, un grand ravin qui est dans la zone Kinama de la mairie de Bujumbura dans le quartier de Bukirasazi sera aussi bientôt réhabilité. Je dois profiter de cette occasion pour lancer un appel à l'administration pour lui demander de s'impliquer très activement dans l'encadrement de la population pour que quand les communautés voient des débuts de destruction des ravins, il faut qu'elles avisent les services habilités, la plateforme nationale, la plateforme municipale ou la plateforme communale de gestion des risques de catastrophes pour qu'il y ait des interventions rapides. Je demande aussi à l'administration d'empêcher les populations qui ont tendance à s'installer dans les zones à très haut risque. L'administration aussi devrait contribuer pour inciter la population à tracer les courbes de niveau sur les pentes et les bassins versants non aménagés avec une plantation d'herbes et d'arbres de protection. Et en page commerce, le Burundi a suspendu l'exportation de 4400 tonnes de terres rares. Lors d'une conférence de presse de ce mardi, le président burundais Evariste Ndayishimiye a précisé que les concessions datant de l'époque coloniale ont handicapé l'extraction des minerais pour l'intérêt général des Burundais. Et en page culture, et le 11 mai de chaque année, les amateurs de reggae et de rastafarisme commémorent la mort du roi du reggae Bob Marley. À travers sa musique, il véhicule des messages basés sur l'amour, la paix, la solidarité, la lutte contre l'injustice. Il a sillonné le monde dans de grands concerts sur tous les continents et ses adeptes ne cessent de grandir. Plus de détails avec Christian Savier. Quarantaine après sa mort, le roi du reggae, Robert Nesta Marley, à travers ses chansons, reste vivant et continue à inspirer le monde, surtout les jeunes. Des messages de paix, d'amour, de lutte contre l'oppresseur, etc. Bob Marley a même pensé à honorer et encourager la femme dans sa chanson « No Woman, No Cry ». Bob était pour la paix, la réconciliation et l'amour. One love. One love. One heart. Robert Nesta Marley a lutté contre l'apartheid de l'ancien Afrique du Sud. South Africa, yeah. South Africa, yeah. The human bondage. Il célébrait l'indépendance une année avant sa mort de Zimbabwe en 1980. Yeah, yeah. Africa, il rend l'âme le 11 mai 1981 à Jackson Memorial Hospital, Miami, Floride, aux États-Unis d'Amérique. Won't you help to sing? Oh, another song of freedom. Yes, yeah. 'Cause all I ever have, did you know? Redemption song. Parle. Rassure-moi. Pour raconter à l'enfant l'événement douloureux du passé, il faut partir du contexte de l'ethnisme au Burundi et insister sur le soutien mutuel qui a caractérisé les Burundis avant la colonisation. Le psychologue et psychothérapeute de l'éducation Alexis Ndayizigiye précise que le meilleur moyen d'insister sur les faits et non sur les accusations d'un tel groupe est aussi nécessaire, responsabiliser les auteurs pour éviter de généraliser. Cela pour éviter l'incitation à la haine, les détails avec Ornella Mouchou. Les enfants posent parfois des questions profondes et pertinentes à leurs parents, s'agissant par exemple de leur identité ou histoire douloureuse du passé. Face à ces interrogations, la première chose à faire est de laisser l'enfant s'exprimer librement en rapport avec le sujet, afin de le recadrer une fois qu'il détient des fausses informations, comme expliqué par le psychologue Alexis Ndayizigiye. D'abord expliquer que avant la colonisation, les Burundais étaient composés par des Burundais qui étaient vraiment caractérisés par des bonnes relations. Mais après, les colonisateurs ont eu la tendance de diviser notre pays afin qu'ils trouvent les places. Ils avaient donc la devise de diviser pour régner. Il faut montrer à ces enfants que ce sont les colonisateurs qui ont renforcé le caractère ethnique. Il faut insister sur le caractère de soutien mutuel entre les ethnies, malgré qu'il y a eu des personnes mal intentionnées de telle ethnie ou de telle autre ethnie. C'est normal de parler des réalités conflictuelles parce que même si un parent ne parlait pas à son enfant des conflits qui ont caractérisé notre pays, l'enfant va lire cela. L'environnement va informer à l'enfant qu'il y a eu des conflits. Et s'il s'agit des couples mixtes, c'est la meilleure occasion de prouver à l'enfant qu'il est possible de rompre avec le passé. Quand il s'agit des couples mixtes, il faut profiter de l'opportunité. Il faut montrer à l'enfant que vous, en tant qu'ethnie dite différente, il faut montrer à l'enfant que vous êtes marié. Et puis, cela témoigne que dans telle ethnie, il y a des bienfaits et dans telle autre ethnie, il y a des bienfaits. Donc, il faut montrer que vous avez dépassé. En tant que parent, vous avez dépassé l'ethnisme parce qu'il y a des bonnes personnes partout. Il faut montrer à l'enfant que vous avez dominé le caractère ethnisme et vous avez tenu compte du caractère d'un Burundais pour vous marier, pour organiser le mariage. Alexis Daïdiguié regrette que dans le cas contraire, c'est plutôt l'incitation à la haine. Sinon, l'enfant va hériter le traumatisme de son parent, de ses aidants, cas où les parents auront tendance à juger ou bien à taxer telle ethnie de malfaiteur, de tueur, de personnes mal intentionnées. Donc on a la transmission intergénérationnelle. Ils auront tendance à avoir peur du traumatisme vécu par leurs parents. Donc ils vont développer la peur, ils vont développer donc une certaine incompréhension de l'autre catégorie et de taxer ethnie comme malfaiteur. La même façon de raconter est d'insister sur ce qui s'est passé en mettant moins d'emphase sur les auteurs. Le psychologue trouve qu'il est très important que les parents comprennent pourquoi et transmettent cet héritage des événements douloureux en termes des objectifs qu'ils veulent atteindre. Voilà, fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, c'est parti quand nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Nelly Kuyangana pour sa parfaite collaboration. Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.